Super revue de presse, l'autre monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginat et je serai avec vous pour la prochaine heure et demie sur les ondes de Choc FM, la radio officielle de l'Université du Québec à Montréal, l'alternative à Montréal et dans le monde. Nous en sommes à l'édition du 11 février 2013 et puis cette semaine, chers auditeurs, nous avons, comme d'habitude, à chaque semaine, je dis la même affaire, une émission extrêmement chargée. Alors, nous avons énormément d'informations à vous livrer, des informations les plus importantes de la semaine. Et puis, plus particulièrement, cette semaine, nous allons nous pencher sur différents sujets très importants. J'ai quelques bonnes nouvelles, des nouvelles positives, disons, à vous rapporter. Pour commencer, à peu près ça, on va faire un petit tour là, des nouvelles. Changement climatique, très important, là, si on veut. En tout cas, donc, il se passe des affaires pas mal intéressantes. Et puis, ensuite, on a de l'économie sur la table, on a un Moyen-Orient. Et puis, santé. Donc, on va voir comment qu'on va surfer sur tout ça à travers l'émission. On va essayer de vous rapporter le plus de choses possible, comme d'habitude, défricher la jungle informationnelle de l'Internet et puis vous rapporter l'essentiel de l'information. Tout particulièrement des pièces d'information les plus importantes dont les grands médias de masse, les grands médias corporatifs refusent obstinément de vous rapporter en jugeant bon que vous êtes des meilleurs citoyens ignorants que bien informés. Alors, vous savez, de plus en plus de gens s'en rendent compte et puis commencent à prendre les choses en main et s'informent eux-mêmes ou à des sources qui sont plus fiables que ces grands médias. Alors, bienvenue sur L'Autre Monde, une des places justement où on peut avoir l'or juste sur ce qui se passe dans le monde. Alors, écoutez, parlons un peu de ça, des gens qui, il y en a de plus en plus, qui justement commencent à prendre conscience de quelque chose qui ne fonctionne pas rond et puis qu'on ne leur apporte pas la vérité. Eh bien, c'est de plus en plus de la nouvelle génération de politiciens, c'est drôle à dire, hein, mais on en trouve quand même de plus en plus. Et puis, ici, c'est mon correspondant français, Stéphane Poutouin, qui m'a fait parvenir cette excellente vidéo d'un monsieur qui s'appelle Laurent Louis, alors qui siège sur le gouvernement belge. Et puis, monsieur Laurent Louis, s'oppose à la guerre au Mali et puis dénonce la manipulation internationale. On a une petite vidéo ici qui dure à peu près 13-14 minutes, là, dans laquelle vous pouvez aller le voir. Il a fait une élocution, justement, sur... alors qu'il siégeait là au Parlement belge et puis qui votait sur l'aide qu'ils étaient apportée pour la guerre française au Mali. Et puis disons que c'est assez intéressant de voir des gens comme ça parler honnêtement et puis dire les choses telles qu'elles sont. Alors, je vous encourage fortement à aller voir cette vidéo, puis vous allez réentendre plusieurs des informations que j'avais déjà données ici sur l'émission. Alors, vous allez voir que à un moment donné, c'est pas qu'on est en train d'halluciner, mais quand on fait nos recherches, on en vient aux mêmes conclusions. C'est pas plus compliqué que ça, là. On nous donne toutes sortes de prétextes, hein, pour finalement partir en guerre. On veut défendre apparemment la liberté, libérer des gens, combattre le terrorisme, alors que ce sont tous de faux prétextes. Comme d'ailleurs Laurent Louis le dit si bien dans sa vidéo, et comme je l'avais dit même la semaine passée, écoutez, on prétend combattre des djihadistes, des gens qui sont affiliés supposément à des groupes terroristes comme l'Al-Qaïda. Au Mali, on veut les combattre, et puis après ça, en Syrie, on leur donne des armes, on les finance, et puis on les appuie pour qu'ils renversent le régime de Bachar al-Assad. Alors, vous voyez qu'à un moment donné, on commence à avoir une attitude, et je parle ici les pays occidentaux, là, un peu schizophrénique, là, réellement, là, ça commence à être assez terrible de voir ça. Donc, allez voir ça, quand même, excellente vidéo que je vais vous laisser, comme d'habitude, là, sur le site Les Nouvelles Internationales, et que vous pouvez d'ailleurs aussi... Donc vous trouverez les liens là en fait là sur notre chaîne officielle de l'autre monde sur YouTube et sur les sites du Québec où je publie l'émission en plus des autres endroits où elle est reprise. Alors merci à tous les auditeurs d'ailleurs qui se donnent une peine et un effort incroyable là, pour justement faire connaître l'émission. Alors réellement là vous êtes très important et puis je tiens à vous remercier de cela. Alors, ben voilà, donc on va continuer. Ensuite, ici, on a une vidéo encore aussi très encourageante où on parle de l'Australie, en fait, le New South Wales, où il y a une région qui couvre environ 90 villes qui ont combattu contre l'industrie des gaz et puis qu'ils ont gagné. Alors, on parle ici, là, évidemment, des gaz de schiste, ainsi de suite. Et puis, c'est une communauté qui a combattu justement l'industrie pétrolière et puis gazière et qui a gagné alors un résultat de référendum où on a voté de façon très marquée, là, très cinglante, là, pour faire que leur terre, leur territoire soit sans puits de pétrole, et ainsi de suite. Alors, une excellente vidéo à voir et puis prenez des notes. Ensuite, ici une autre chose dont je voulais vous parler, là, sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est une pétition. Dans la pétition, on dit à la fin décembre, on nous a invités à aller signer la pétition sur le site de l'Assemblée nationale du Québec concernant le dossier controversé de la fluoration de l'eau potable imposée par plusieurs conseils municipaux québécois sans aucune consultation publique et avec le soutien financier du ministre de la Santé publique et des Services sociaux. Alors, on dit que de nombreux signataires se sont manifestés en appuyant notre démarche citoyenne, et puis on dit que nous sommes à environ 10 jours de la fin de la période de signature. Alors, ce qu'on nous fait, c'est un petit rappel pour aller signer finalement cette signature. Et ce qu'on veut, c'est que le gouvernement puisse reconnaître l'urgence d'arrêter le gaspillage des deniers publics et d'abolir ce programme de santé publique très contesté. Alors, il en va de la santé de nombreux citoyens, évidemment, et puis entre autres, les pauvres enfants risquent de souffrir de fluorose dentaire, de diminution du quotient intellectuel. Réellement, on a plusieurs études là, qui ont noté ceci, des études scientifiques, revues par les pairs, et puis l'environnement qui est affecté, et le droit fondamental au consentement avant d'être traité et balayé du revers de la main aussi, donc ça se trouve être d'ailleurs un crime... Alors, pour plus d'informations sur cette problématique, nous invitons à aller consulter le communiqué ci-joint ainsi que les sites Action Fluor Québec, dont vous aurez tous les liens d'ailleurs, comme d'habitude, là, sur les nouvelles internationales où je mets en lien toutes les nouvelles, tous les trucs dont je parle ici. Vous avez aussi Météo Politique et puis, écoutez, vous avez évidemment ce lien vers la pétition sur le site de l'Assemblée nationale du Québec. Alors, allez signer avant le 20 février. Alors, merci d'utiliser vos réseaux sociaux pour transmettre cette invitation à tous vos contacts. Alors, vous avez la coalition Trifluvienne pour une eau très saine et puis le regroupement de citoyens pour une eau saine à Richemont qui sont impliqués là-dedans. Bon, une autre bonne nouvelle, personnellement, certaines personnes adorent, là, alors je veux pas froisser là, des auditeurs ou quoi que ce soit, mais bon, on a une nouvelle ici qui disait qu'il y a de plus en plus de gens qui quittent Facebook. Alors, on demandait ici si le Facebook était... si vous voulez, en route vers un effondrement imminent ou quoi que ce soit. Alors, oui, évidemment qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à désenchanter hein, de Facebook. Et puis surtout que vous allez voir, j'aurai probablement pas le temps d'y aller cette semaine dans cette section-là, mais j'ai plusieurs nouvelles là concernant, si vous voulez, là, l'état de tyrannie, d'état policier qui est en train de s'installer partout dans nos sociétés occidentales, plus particulièrement aux États-Unis d'ailleurs. Et puis, écoutez, il est avoué. Je veux dire, on a déclassifié des documents et puis il est révélé de sources très importantes là, qu'on a développé déjà Raytheon, là, qui est un grand manufacturier d'armement aux États-Unis. Et puis d'autres, évidemment, compagnies ont développé des technologies, des programmes extrêmement poussés, là, extrêmement high-tech là, et très, très, très pointus, là, et qui sont capables de suivre, et non seulement de suivre, mais de colliger des informations à partir de toutes vos traces que vous laissez, toutes vos allées et venues sur l'Internet, donc particulièrement sur les réseaux sociaux. Alors, toutes les photos, même on dit les photos contiennent des informations électroniques, d'où elle a été prise et puis où vous êtes passé. Bref, ce programme est capable d'analyser en quelques secondes, quelques minutes, en cliquant sur un profil, de tracer tous ses liens, toutes ses connexions, toutes les personnes à qui elle a parlé. On est capable de tracer des cartes même où cette personne s'est déplacée dans le monde réel, capable de voir les allées et venues, les habitudes. On donnait ici l'exemple dans un article qu'on avait fait pour montrer à la personne qui a parlé de cette information-là. On avait pris par hasard le nom d'un employé de la compagnie de Raytheon et puis tout d'un coup, ben on voyait que cette personne-là allait au gym à 6 heures à tous les matins, presque à tous les matins, et puis qu'elle se rendait là à telle place dans la journée. Bref, ces outils sont disponibles à la police et puis particulièrement des agences du renseignement dont on parle ici, la GRC au Canada, la CIA aux États-Unis et puis tous les autres services secrets des différentes nations d'où vous écoutez cette émission. Alors voilà, donc si vous pensez que je veux dire que c'est parce que vous n'avez rien à cacher, qu'il n'y a aucun problème, ben vous avez un problème, vous n'avez pas compris de la dynamique de la situation là. Imaginez-vous quelqu'un qui vous suivrait partout au centre d'achat, qui chez vous, qui restait sur le bord de votre porte, qui vous épiait à travers votre fenêtre, qui prenait toutes ces informations, qui vous traquait partout dans vos déplacements en voiture. C'est pas une question d'avoir de quoi à cacher ou pas, c'est une question de droit fondamental à la vie privée. Hein? Et puis ces gens-là s'octroient, se donnent le pouvoir de surveiller toute votre vie et puis même de colliger ces informations-là. Alors, pas très sain, pas très sain. Ensuite, une nouvelle ici encore très intéressante. C'est une vidéo que ça s'appelle le Free Energy at Last. Alors, finalement, l'énergie libre qui nous arrive, c'est produit sur le réseau Next World TV, publié. Ça a été publié en 2012 originalement. Alors, on parle ici de l'énergie libre de Nikola Tesla, évidemment, la fusion froide. Ainsi que d'autres énergies quasiment illimitées, très propres, qu'on peut utiliser pour le futur. Eh bien, écoutez, oui, ça a été évidemment caché. On a essayé d'enlever ça de l'espace public pour que les gens n'y aient pas accès. Ça a été évidemment abrié dans le mystère, ainsi de suite. Et puis, écoutez, le mystère est terminé. Et puis, on a plusieurs de ces technologies maintenant qui sont prêtes pour le marché dès maintenant. Ça fait quand même quelques-unes que je vois depuis les derniers mois. Évidemment qu'on n'en parle pas à pleine page dans les grands journaux puis à la télévision. Mais effectivement, j'ai vu plusieurs articles, plusieurs vidéos, plusieurs trucs en fait qui montrent ces technologies-là à l'œuvre. Alors, des bidules qui fonctionnent déjà. Alors, vous savez, vous avez cette vidéo-là qui parle ici, évidemment, de ce qu'on a appelé The Breakthrough Energy Conference qui s'est tenue en Hollande en novembre 2012. Alors, dans cette vidéo qui dure seulement que 2 minutes, on a déjà un petit aperçu de ce qui est discuté dans différents milieux. Et puis, vous allez voir que, écoutez, le futur non seulement est à nos portes, mais est déjà arrivé. Alors, le temps où toutes ces technologies propres qui étaient pour libérer l'être humain du joug du cartel des pétrolières, de l'industrie nucléaire, ainsi de suite, de ces plus gros lobbies cartels mafieux qui nous contrôlent et puis nous maintiennent dans un état de dépendance énergétique qui sont d'une source très, très polluante et très dangereuse pour l'avenir de la planète entière, réellement. Là, on parle autant du pétrole que de l'énergie nucléaire. Là, il n'y a plus d'histoire à se compter avec ça. Là, j'en ai souvent parlé dans le passé. Là, si vous êtes nouveau ici sur l'émission, prière d'aller retourner dans les émissions du passé, où on parle évidemment particulièrement du nucléaire qui est très loin d'être une énergie propre, là, quand elle laisse des déchets derrière elle qui doivent être enfouis puis gardés bien scellés pendant des millions d'années, ce qui est complètement impossible. Alors, des déchets qui vont continuer d'irradier, de polluer la planète, l'environnement, les gens, les animaux, la faune, tout, pendant différentes périodes de temps, mais pouvant s'étendre aisément sur des plusieurs centaines de milliers d'années à des millions d'années. Ensuite, un autre article ici, en anglais malheureusement, mais que vous pouvez toujours faire traduire, et ainsi de suite. On parle ici des 10 types de nourriture idéales, les meilleures sources de nourriture dans lesquelles on devrait investir pour se monter une petite banque, si vous voulez, de survie en cas d'une panne d'électricité ou peu importe qu'est-ce qui arrive, une crise économique ou quoi que ce soit. Alors, évidemment que on se rend compte que la plupart des gens ont une réserve d'environ à peu près 3 jours de nourriture en stock lorsqu'une crise frappe. Mais évidemment, s'il y a quelque chose qui se produit, qui va en fait interrompre la... Si vous voulez, la chaîne d'alimentation, en fait, tout ce réseau pour apporter la nourriture dans les épiceries, ainsi de suite, venait qu'à manquer, ainsi de suite, ben, durant une période assez tendue, on s'aperçoit qu'il y aurait du chaos sans précédent dans la plupart des communautés. Alors, on se rend compte que on se trouve dans un système d'approvisionnement de la nourriture qui est quand même, somme toute, assez fragile. Et puis, d'ailleurs, plusieurs ont été très bien documentés et même prédits dans ce cas-là. Alors, vous savez, même la NASA a averti ses employés de se préparer pour de potentiels désastres avec de la nourriture de survie et d'autres précautions, avec un programme qu'ils appellent le Family Preparedness Program. Alors, vous savez, des gens aussi sérieux qu'à la NASA se préparent à de telles éventualités. Alors, une petite liste ici de trucs là, qui est très facile de conserver et puis qui peut vous nourrir pendant longtemps, dont du riz, les fèves qui sont à faire germer, ainsi de suite. Alors, allez voir ça, très intéressant. Ensuite, on va sauter un peu plus dans le dossier des changements climatiques. Pourquoi j'apporte ça? Parce que, vous savez, on en parle assez de façon fréquente là, dans les médias, avec toutes ces régions dans le monde qui souffrent soit de froid intense ou de tempêtes de neige sans précédent. Alors, on parle autant en Angleterre qui a souffert en fait de chutes de neige et puis de froid assez important, vous avez la Russie qui connaît son hiver la plus enneigée depuis 100 ans. Et puis, vous avez entendu de cette méga tempête du siècle qui est tombée aussi sur la côte est américaine, touchant particulièrement Boston. Boston qui a reçu à peine 1 mètre de neige. Vous voyez un peu la situation où on avait des vents jusqu'à 120 km/h, ainsi de suite. Et puis, évidemment, que les réchauffistes alarmistes vont nous dire que la neige était... évidemment bien sur le menu, qu'on avait averti de ça, que c'est causé par le réchauffement climatique, causé par l'homme et le CO2, et ainsi de suite, que vous payez des taxes et puis enrichir certaines personnes qui finalement se retrouvent à être au sommet, des banquiers privés, des pétrolières, ainsi de suite. Oui, vous avez bien entendu, des pétrolières sont derrière aussi ce mouvement du réchauffement climatique, alors que vous pensiez lutter contre elles. Alors, Donc, oui, tempête de neige record un peu partout. Et peut-être juste ici au Québec où, justement, à cause de ces déplacements d'air, ainsi de suite, qu'on se retrouve dans une situation où il fait, en tout cas, les derniers hivers, en général, il fait moins froid. Mais encore là, cet hiver, vous avez vu des froids assez intenses, quelques bonnes tempêtes de neige, ainsi de suite. Bref, ces fameux réchauffistes, alarmistes, catastrophistes, qu'on va tous mourir causés par le réchauffement climatique anthropologique. Alors, ce qui arrive, chers auditeurs, c'est que si on retourne un peu dans le passé, on se rend compte que ces gens-là, dont plusieurs sources, même des gens comme Al Gore, avait déclaré que le réchauffement climatique est une chose du passé. Hein? On se rappelle, en l'an 2000, même, on avait le journal britannique, le Independent, qui avait cité des experts qui nous disaient que la neige serait une chose du passé à cause du réchauffement climatique. Vous avez Al Gore qui a répété cette affirmation en 2009, et puis maintenant, ben, vous avez tous ces gens qui nous disaient qu'il n'y aurait plus de neige, qu'elle n'existerait plus, qui finalement viennent nous dire, en criant sur les toits, que maintenant le réchauffement climatique est la raison pour laquelle on a toutes ces chutes de neige très importantes. Alors, évidemment que si on suit un peu l'ordre chronologique du déroulement de ces événements, eh bien, on s'aperçoit que ces bozos, ces idiots d'imbéciles qui finalement sont loin d'être des scientifiques et puis loin d'être des gens crédibles, finalement, vous racontent n'importe quoi, là. Je veux dire, ils inventent toutes ces choses-là au fur et à mesure qu'ils vont dans le temps, là. Alors, évidemment que tous ces gens-là sont là en tendant les mains puis recevoir le fruit des taxes du carbone que vous allez payer, hein? Évidemment que ces tempêtes ne sont pas causées par la chaleur, mais bien sûr par des différentiels de température. Et puis, évidemment qu'on peut avoir de sévères tempêtes en refroidissant, si vous voulez, les strates de l'atmosphère plus élevées. Alors, évidemment que ces trucs-là se produisent sur les autres planètes aussi. Il n'y a rien de particulier là-dedans. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Okay, donc, il faut à un moment donné essayer d'arrêter de capoter avec ça, là. Vous avez même des gens, l'ancienne tête de Greenpeace, qui avait prédit que le Groenland était pour perdre toute sa glace en quelques 10 ans. Et puis, maintenant, cette prédiction qui a été faite il y a environ une dizaine d'années, maintenant, on se retrouve à ce point-ci. On en regarde le Groenland et puis on s'aperçoit que le Groenland a encore toute sa glace. Alors, on est loin d'être là. D'ailleurs, l'ancienne tête de Greenpeace avait finalement admis à la télévision que cette histoire n'était qu'une tactique pour épeurer les gens. Hein? Alors, c'est la même affaire. Alors, vous rappelez aussi tous ces reportages à nous faire pleurer où on disait que les fameux ours polaires étaient pour mourir noyés à cause qu'il n'y avait plus de glace sur laquelle se tenir. Eh bien, écoutez, vous allez voir dans les nouvelles que je vais laisser en lien là, cette semaine, que non seulement les ours polaires peuvent très bien nager sur des centaines de kilomètres dans une journée, mais que leur population a augmenté à un point où les conservationnistes disent maintenant qu'ils auront probablement à contrôler la population. En fait, ce qui veut dire finalement en tuer, les chasser pour descendre le nombre d'ours polaires dans la population d'ours polaires qui se trouvent là-bas. Alors, écoutez, c'est assez incroyable, là. Et puis, on a même aussi des nouvelles là, qui nous montrent des images satellites, ainsi de suite, que justement, ces fameux glaciers sont en train d'augmenter en taille. Alors, il y a absolument aucune de leurs fameuses prédictions. Quand je dis aucune, c'est aucune, là. Ce fameux culte du réchauffement climatique, là, a prédit un tas de choses depuis des années, et puis il n'y en a aucune qui s'est produite dans la réalité. Tous se sont avérés être fausses. Alors, quand même, assez incroyable. Alors, cet article ici qui parle, bon, c'est un auteur qui s'appelle Zach Unger qui devait s'en aller au Cercle polaire, article pour écrire, si vous voulez, un éloge assez triste là, de comment le réchauffement climatique avait décimé les populations d'ours polaires. Et puis, il a été surpris de trouver que les ours polaires n'étaient réellement pas en situation de détresse du tout. En fait, on trouve plus d'ours polaires vivants aujourd'hui qu'il y en avait il y a 40 ans. OK? Ça, c'est une nouvelle que j'ai rapportée dans le passé, puis qui se répète encore, on y va d'année en année, puis on en retrouve de plus en plus, là. Je veux dire, c'est quand même assez incroyable. Alors, il a fait une interview, cet auteur, pour son nouveau livre, qui finalement, ben, n'a pas raconté l'histoire des ours polaires qui ont été décimés, mais, en fait, c'est un livre qui s'appelle Never Look a Polar Bear in the Eye, en fait, qui exprime le fait qu'il y a environ 25 000 ours polaires qui vivent aujourd'hui à travers la planète, alors qu'en 1973, il y avait eu une interdiction de chasse contre les ours polaires. Alors, lorsqu'on a arrêté cette fameuse chasse, eh bien, évidemment que la population des ours polaires a explosé. Et puis, donc, évidemment, on en conclut que le réchauffement climatique n'était pas réel et puis qu'il n'était pas non plus un problème pour les ours polaires, que l'auteur a ajouté. Donc, en réalité, on dit que la population des ours polaires est très large et puis que la vérité est que on ne peut y regarder en tant qu'une population monolithique. Alors, ils sont partout. Ben, vous savez, même la US Fish and Wildlife Service aux États-Unis qui a estimé qu'il y a environ entre 20 000 et 25 000 ours polaires à travers le monde, c'est-à-dire qu'ils vivent au Canada, à travers le Groenland, le nord de la Russie, sur la côte et les îles en Norvège, et puis proche de la côte en Alaska. Donc là, vous avez ces fameux éco-terroristes malades cultistes qui maintenant se mettent en route pour aller tuer les ours polaires. Alors, c'est assez incroyable, là, selon un scientifique important. Lui, il raconte que la population des ours polaires en Arctique pourrait être sujette à un contrôle de réduction de la population intentionnelle pour s'assurer que la population des ours polaires soit plus viable. Alors, c'est quand même assez incroyable. N'est-ce pas assez incroyable? Donc, ces gens-là qui voulaient protéger les ours polaires, maintenant, veulent mettre en place un programme pour les euthanasier. Bon. Alors, l'Antarctique, maintenant, on parle de l'autre pôle. Alors, la glace dans la mer de l'Antarctique est au-dessus de la normale depuis plus de 439 jours d'affilée maintenant. On a ici un graphique qui a été mis à votre disposition. Et puis, on voit tous les niveaux, en fait, de quantité de glace en kilomètres carrés qui se retrouvent dans la mer de l'Antarctique. Et puis, on s'aperçoit que depuis la fin de 2011, on se retrouve avec des hausses de glace à chaque année, à chaque hiver. Et puis, vous voyez la ligne qui est en augmentation constante. Et puis, vous avez aussi un autre article ici qui parle de la glace en Arctique cette fois, qui brise tous les records aussi. Alors, on voit un autre graphique ici de la mi-septembre à la fin janvier et on voit la croissance des glaces, en fait. Même depuis les années 1980 à 2013. Et puis, on voit effectivement que depuis, je vous dirais, là, 2006-2007, là, à part une baisse en 2010, là, c'est significative, on voit que la glace, de toute façon, de façon cyclique, là, il y en a plus, il y en a moins, il y en a plus, il y en a moins, mais de façon générale, quand on voit le graphique, on voit que on va vers de plus en plus de glace depuis 2010, là. Donc 2010, 2011, 2012, 2013 sont 4 années d'affilée où on a des augmentations, dont 2013 là, qui est vraiment un pic assez impressionnant. Alors on se retrouve avec 10,5 millions de kilomètres carrés de glace là, qui recouvre l'Arctique. Donc depuis la mi-septembre 2012. Donc, on continue, par contre, dans les grands médias corporatifs, à vous rapporter que cet événement, comme si c'était une perte record de glace, alors que d'autres experts aussi vous disaient que l'Arctique était pour être complètement libéré de la glace dans quelques mois. Complètement ridicule. On a d'ailleurs une copie de cet article ici qui a été publié dans la BBC News où on disait que en Arctique, durant l'été, on était pour n'avoir plus de glace du tout. On était pour être capable de naviguer librement dans ces eaux. Alors, il disait que, selon ces fameux experts là, qui expliquaient à la BBC, il disait que on peut dire que selon leur projection là, 2013 serait même trop conservatif là, pour leur projection là, en disant qu'il n'y aurait plus de glace. Et puis en réalité, bon, on se retrouve à complètement l'opposé. On a des records de quantité de glace. Donc, quand même, assez important à savoir. Ensuite, vous avez un rapport ici qui montre que les Nations Unies ont admis que l'activité solaire pourrait jouer un rôle significatif dans le réchauffement climatique. Alors, rapporté par Fox News ici. Alors effectivement, on s'aperçoit que depuis quelques années, ce n'est pas un réchauffement climatique qui se produit, c'est bel et bien un refroidissement climatique. Et puis, on a peine à l'admettre du bout des lèvres, mais les rapports sont là, les données sont là, la science est là. Quand même assez incroyable. Alors là, c'est un rapport qui a été émis par les Nations Unies, un groupe qui est dédié aux études climatiques et qui raconte que finalement, c'est ça, la chaleur du soleil pourrait jouer un rôle beaucoup plus important qu'on le pensait. Alors, on dit que les résultats suggèrent la possibilité que les variations solaires pourraient avoir un impact beaucoup plus important sur la stratosphère que ce qu'on avait pensé. Et puis même, on dit que certaines études ont suggéré que ceci pourrait même mener à un impact régional significatif sur le climat. Alors, ça, c'est une copie d'un rapport majeur du GIEC qui pourrait être publié bientôt. Alors qu'on a une personne qui a fui, si vous voulez, il a fait des fuites de ce rapport, c'est-à-dire qu'il a rendu public ce rapport d'une façon imprévue, là. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec cette information-là. Alors, voyez quand même, là, il y a de quoi se pencher là-dessus. Donc voilà, nous, on fait une petite pause musicale, et puis on se retrouve après la pause avec des nouvelles de l'économie. On va faire un tour de l'économie, là. Je pense que c'est assez important à suivre à chaque semaine, parce que c'est un dossier qui risque d'être très important au cours des prochains mois, là. Donc, on va essayer de vous tenir le plus informé possible pour que vous voyez venir les événements et puis que vous sachiez ce qui se passe en ce moment. Puis que si ça passe de quoi, que vous ne soyez pas pris de panique, mais que vous sachiez exactement quoi faire ou comment vous organiser ou comment réagir. Alors, on se retrouve immédiatement après cette petite pause, chers auditeurs. Nous sommes de retour à l'autre monde. Nous allons aborder le fameux dossier de l'économie. J'ai une citation ici très intéressante que j'ai trouvée sur le site de What Really Happened concernant la banque, la Fed en fait aux États-Unis. Une citation de Louis McFadden, qui était Chairman of the House Committee on Banking and Currency. Donc, il siégeait lui sur un comité là, gouvernemental là, sur l'industrie bancaire et puis de la monnaie, si on veut. Et écoutez, ça a valu la peine. Je suis allé faire une petite recherche parce que la citation était quand même assez incroyable. Je vais vous la traduire tout de suite, puis je vais vous parler un peu de ce personnage. Je pense que ça en vaut la peine de faire une petite parenthèse de 2-3 minutes dessus parce que ça va vous montrer un peu à quel point ça fait depuis longtemps que les gens, en fait, de l'intérieur, si vous voulez, même de l'industrie bancaire, financière, savent réellement ce qui se passe avec ces fameuses banques centrales qui sont contrôlées par des banquiers privés, qui ont pris le contrôle sur la création de la monnaie et qui ont instauré ce fameux système basé sur la dette dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. C'est pas d'hier qu'on patauge dans ce système et c'est pas d'hier que des personnes très crédibles, très bien et hautement placées en parle et puis le décrit. Alors, lui, il avait fait une citation ici. Bon, évidemment, c'est en anglais, je vais vous la traduire du mieux que je peux, là. Lui disait, je cite, « Tous les efforts ont été faits par la Réserve fédérale, la Fed aux États-Unis, pour cacher ses pouvoirs. Mais la vérité est que la Fed, le Federal Reserve System, a usurpé le gouvernement. Il contrôle tout au Congrès, il contrôle tout des relations étrangères. » Ils font et défont les gouvernements à volonté. Alors, quand même, une citation assez importante, là. Si ça venait évidemment de monsieur tout le monde, là, sur le bord de la rue, peut-être qu'on n'y porterait pas aussi attention. Mais il se trouve que Lewis Thomas McFadden, qui est né le 25 juillet 1976 et qui est mort le 1er octobre 1936, est un banquier, est un homme politique américain et qui fut représentant républicain de la Pennsylvanie. D'ailleurs, président de la Pennsylvania Bankers Association, puis a été aussi président de la First National Bank of Canton, et aussi président de ce qu'on appelait le United States House Committee on Banking and Currency, comme je vous parlais. Alors, vous voyez que le gars, il était très haut placé, là. Je dis, c'était pas un ignorant du tout dans ce domaine. Alors, le personnage était très plongé au cœur du système bancaire et savait de ce qu'il y en était. Il fut le trésorier de la Pennsylvania Bankers Association et puis, comme on dit, son président. Alors, le monsieur, écoutez, a été même élu au 64e congrès comme étant un représentant républicain. Et puis, le monsieur n'a pas été très aimé parce qu'il avait tendance à critiquer, si vous voulez, ce fameux système de la Fed. Okay? Alors, il est devenu très célèbre pour ses critiques de la Réserve fédérale qu'il considérait comme contraire aux intérêts du peuple américain. D'ailleurs, le 10 juin 1932, McFadden fait un discours de 25 minutes devant la Chambre des représentants, durant lequel il accusa la Réserve fédérale d'avoir délibérément provoqué la Grande Dépression. En 1932, McFadden initia une procédure d'impeachment contre le président Herbert Hoover et introduit devant la Chambre une résolution accusant de conspiration le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale. Alors, quand même assez important, vous voyez, comme procédure. Là, il y en a fait beaucoup d'autres. Mais évidemment que M. McFadden a été, après ça, la cible de plusieurs tentatives de meurtre. On lui tira deux fois dessus à Washington, D.C., alors qu'il descendait d'un taxi devant l'un des hôtels de la capitale. Les deux balles s'encastrèrent dans le taxi, nous dit le site Wikipédia. Il survécut à un violent malaise lors d'un banquet politique à Washington, D.C., puis grâce à un médecin qui lui fournit un traitement d'urgence, il survécut. Ce médecin annonça ultérieurement qu'il s'agissait d'un empoisonnement. Et puis en 1936, la mort soudaine de McFadden est attribuée à une crise cardiaque lors d'une visite à New York. L'hypothèse d'un empoisonnement a rapidement été émise. Il a été enterré dans un cimetière de canton, en Pennsylvanie. Alors, vous avez un petit extrait de son célèbre discours du 10 juin 1932 devant la Chambre des représentants. Puis, je vais vous lire ces deux paragraphes, mais vous devez comprendre qu'aussi loin qu'en 1932, vous aviez des gens qui étaient très fort bien informés du système bancaire puis comment fonctionnait la Fed et son système basé sur la dette et qui était fait pour finalement voler le peuple américain. Effectivement, c'est la Fed qui est responsable en grande partie de la crise avec les banquiers privés, la grande dépression qu'on appelle, qui s'est produite dans les années 1929-1930 aux États-Unis. Alors, voici l'extrait de son fameux discours. Alors, M. McFadden dit, « Monsieur le Président, nous avons dans ce pays une des institutions les plus corrompues qui ait jamais existé dans le monde. Je fais référence au Conseil de la Réserve fédérale et aux banques de la Réserve fédérale. Le Conseil de la Réserve fédérale, un conseil gouvernemental, a trompé le gouvernement des États-Unis d'assez de monnaie pour payer la dette nationale. Les déprédations et les iniquités du Conseil de la Réserve fédérale et des banques de la Réserve fédérale agissant ensemble ont coûté à ce pays assez de monnaie pour payer plusieurs fois la dette nationale. Ce qui est encore fait aujourd'hui, encore plus. Cette institution diabolique a appauvri et ruiné le peuple des États-Unis, s'est elle-même mise en banqueroute et a pratiquement mis en banqueroute notre gouvernement. Elle a fait ceci grâce au défaut de la loi sous laquelle elle opère, grâce à la mauvaise administration de cette loi par le Conseil de la Réserve fédérale et grâce aux pratiques de corruption des vautours qui la contrôlent. Ce qu'il faut ici est un retour à la Constitution des États-Unis. Il nous faut un divorce complet de la banque et de l'État. La vieille lutte qui fut menée ici à l'époque de Jackson doit être à nouveau menée. L'acte de la Réserve fédérale doit être abrogé et les banques de la Réserve fédérale ayant violé leur charte doivent être immédiatement liquidées. D'infidèles fonctionnaires du gouvernement qui ont violé leur serment doivent être mis en accusation et amenés au tribunal. À moins que nous le fassions, je prédis que le peuple américain, outragé, volé, pillé, insulté et trahi, comme il est dans son propre pays, se mettra en colère et enverra ici un président qui expulsera les manipulateurs de la monnaie hors du temple. Alors, écoutez, nous sommes en 2013 et ça ne s'est pas encore produit, mais je crois qu'on y arrive très bientôt. Alors, vous voyez, c'est pas depuis hier là, qu'on parle de ces histoires-là de la Fed et puis qu'on sait que finalement, c'est un cartel de banquiers privés qui ont tout simplement pris le pouvoir aux États-Unis et qui sont le réel gouvernement aux États-Unis. Là. Je sais, c'est pas plus compliqué. On mène des guerres comme au Mali, comme en Syrie, comme en Libye, comme un peu partout pour les ressources, pour contrôler le système bancaire international parce qu'on, vous savez, Kadhafi avait la mauvaise idée de vouloir installer une banque centrale africaine et avec une monnaie, le dinar, qui était pour être basée sur l'or et surtout pas, en tout cas, sur le système de dette qui constitue finalement le système des banquiers privés installé à l'Est de Londres et puis à Wall Street. Alors, très important. Ensuite, bon, écoutez, dans les nouvelles, vous allez voir, là, ça brasse en cibole dans les nouvelles économiques mondiales. Là. Une nouvelle ici qui montre, un article en fait qui parle de montrer à quiconque croit que les choses s'améliorent en Amérique. Alors, écoutez, l'économie américaine est en train de s'effondrer. Là. C'est pas même compliqué. Là. On essaie de vous faire croire le contraire. Là. Mais quand vous regardez les statistiques et ce qui se passe réellement sur le terrain, là, vous voyez que c'est un effondrement économique qui est en train de se produire et se produire maintenant et qui va continuer de se produire. Alors, oui, ça se peut qu'il y ait des moments où le déclin va être ponctué par des moments de grande crise. Et puis que... Écoutez, ça s'en vient, là. Vous avez le total des hypothèques, en fait, de la dette des hypothèques aux États-Unis qui est maintenant 5 fois plus importante qu'elle l'était il y a 20 ans. Okay? Donc, les gens sont endettés dans leur hypothèque 5 fois plus qu'il ne l'était il y a 20 ans. Ensuite, le total de la dette sur les cartes de crédit aux États-Unis est maintenant 8 fois plus importante qu'il y a 30 ans. OK, là, vous voyez, là, c'est quand même, c'est pas des petites marges. Là. Ensuite, ainsi de suite, là, écoutez, vous avez des graphiques ici super importants où on parle justement de la base monétaire. OK, de la base monétaire, ça veut dire finalement le nombre d'argent qui existe dans le système. Et puis là, vous voyez évidemment cette courbe qui augmente de façon graduelle, mais quand même assez gentille, là, sans trop provoquer, là, de 1985 à quasiment 2009. Une augmentation constante, là, mais rien de dramatique. Puis après ça, autour de 2009, là, vous voyez ça, 2008-2009, là, où on s'est mis à faire ce qu'on appelle de l'assouplissement financier, là, à monétiser la dette, à imprimer de l'argent comme de l'eau. Et bien là, vous voyez que la fameuse masse monétaire s'est mise à doubler, puis à tripler, puis à quadrupler. Là. Je veux dire, on est environ à 800 milliards de dollars. Et puis, on parle de base monétaire, là, la Federal Reserve Bank of St. Louis. Et puis là, paf, on voit ça augmenter. Écoute, on part de 800 à 1600 en un an. Donc, on a doublé la masse monétaire juste là. Après ça, les prochaines années, on est passé de 1600 à 2800. On est rendu à peu près à 2800 en 2013. Alors, on cesse de doubler la masse monétaire. Donc, évidemment que vous savez que chaque dollar, évidemment, que vous possédez perd sa valeur. Là, je parle, vous, évidemment, vous n'êtes pas américain, là, mais on en fait pareil dans nos pays. Là, on en fait pareil dans nos pays, autant européens qu'ici au Canada. OK, il faut arrêter de croire que c'est juste aux États-Unis ou que ça ne concerne pas là, je dis c'est un phénomène mondial, on fait partout là la même affaire. Alors évidemment que ça fait diminuer votre pouvoir d'achat, c'est évident. Alors la valeur du dollar américain d'ailleurs a décliné de plus de 96% depuis que la Federal Reserve, la Fed, a été créée. OK, vous avez bien entendu ça, là. Alors, c'est assez catastrophique, là. Ça veut dire que le même Américain, il y a 100 ans, avait 96% plus de pouvoir d'achat qu'un Américain d'aujourd'hui, avec son même dollar américain. Alors, vous comprenez qu'il y a un sérieux problème, là. Et puis, évidemment, qu'on voit les coûts de la vie qui continuent d'augmenter. Et puis, évidemment, les salaires continuent de baisser. Et des millions d'Américains et de familles qui sont tombés de la classe moyenne à la pauvreté, tout simplement. Et puis, si vous ne pouvez pas croire ça, eh bien, vous savez, le nombre d'Américains qui sont sur l'aide alimentaire, ce qu'on appelle les food stamps aux États-Unis, a grandi, en fait, augmenté de 17 millions en 2000, à l'année 2000, à plus de 47 millions aujourd'hui. Hein? Est-ce que vous pensez que les choses, finalement, vont aller meilleures ou vont aller en s'améliorant? Pas du tout. D'ailleurs, de façon incroyable, vous avez plus de 1 million d'enfants de l'âge d'aller à l'école, de l'âge écolière, là, hein, pour aller à l'école publique aux États-Unis, qui sont sans abri. Alors ça, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire des États-Unis, là. Donc, si vous pensez que les affaires vont mieux, détrompez-vous. Alors, un article super important, allez voir sur un blog qui s'appelle Investment Watch Blog. Ensuite, est-ce que c'est le début d'un crash du stock market horrifiant en Europe? C'est le sujet d'un autre article ici. On dit qu'on est en train d'être témoin du début d'un crash financier historique en Europe. On a vu deux scandales de corruption massive qui ont finalement fait surface en Europe et qui ont évidemment brassé beaucoup la confiance sur les marchés financiers. Un qui implique le premier ministre espagnol Mariano Rajoy, qui a reçu des paiements illégaux d'argent et puis ainsi de suite. Et le deuxième, c'est le scandale du marché des produits dérivés qui s'est produit dans la troisième banque la plus importante en Italie. Alors, écoutez, évidemment que ça a secoué les marchés financiers. Et puis, on se retrouve avec une zone européenne où les taux de chômage, où les gens sont sans emploi, sont à des records. Et puis, évidemment qu'on a des taux de gens qui sont sans emploi aussi, autant en Espagne qu'en Grèce, qui sont maintenant autour de 26%. Vous avez un quart de la population qui sont sans emploi, là. Alors, évidemment que ça ne va vraiment pas du tout. Et puis, après ça, vous avez le National Benchmark Indexes qui a décliné dans toutes les 18 banques, en fait, les 18 marchés européens, sauf la Grèce et le Danemark. Alors, vous avez eu des baisses importantes là, de plusieurs points durant la semaine à la suite de ces nouvelles. Et puis, vous avez aussi les 4 derniers jours où on a eu une des... c'est pas la plus grande plongée, si vous voulez, depuis les 6 derniers mois, avec l'indice IBEX, alors IBEX. Alors, on a vu l'Espagne baisser de 5,7%, l'Italie de 6,7%. Alors, quand même assez inquiétant, si on veut, là. Et puis ici, on voit aussi les stocks bancaires européens qui ont pris toute une débarque cette semaine aussi. Alors, vous avez plusieurs banques ici, comme la UniCredit en Espagne qui a baissé de 8%. Vous avez le Crédit Agricole qui a baissé de 5,4%. Société Générale, moins 4,8%. Et ainsi de suite. Alors, ça, ce sont des mouvements financiers dans une seule journée d'échange. Et puis, écoutez... voyez un peu l'instabilité là, qui commence à s'installer là. Donc d'autres articles qui parlent de cet effondrement des marchés qui sont en processus. Vous avez plusieurs milliardaires qui continuent de larguer leur stock américain. On parle des actions américaines, des traders qui se mettent à miser contre l'économie américaine. Alors, on dit que malgré qu'on a eu les marchés de Wall Street qui ont augmenté de 6,5% les 3 derniers mois, vous avez une poignée de milliardaires qui, tranquillement, sont en train de liquider leurs stocks, leurs actions américaines et rapidement. En fait, ce ne sont pas des ce sont pas seulement des investisseurs ni des milliardaires qui font ça, mais en fait, il y a plusieurs, même des banques centrales et ainsi de suite, qui font pareil. Alors, quand même assez incroyable, vous avez Warren Buffett, Paulson, George Soros qui liquident leur stock. Ils ont décidé de cacher leur argent et puis de quitter Main Street. Alors, quand même assez incroyable, là, laissant les investisseurs de Wall Street, là, les petits qui sont pas au courant, ben porter le sac lorsque le système va s'effondrer. Donc on a plusieurs trucs comme ça qui sont des signes d'un crash financier important, dont ce qu'on appelle des insider knowledge. Alors des gens, des insiders là, qui connaissent d'avance ce qui va se passer, et puis qui finalement c'est un peu illégal. Là. C'est illégal aux États-Unis là, d'utiliser des informations de l'intérieur pour après ça faire des mises sur les stock markets en sachant que telle compagnie va faire faillite ou quoi que ce soit en avance de tout le monde. Mais ça se produit de façon courante. Et puis là, quand même, on a ici d'autres signes. Selon des professionnels qui surveillent cette activité, c'est leur travail en réalité, là, que des échanges normaux, normalement en un seul bloc, incluent normalement 500 contrats ou tout au plus. Et puis c'est pour ça que certains en tout cas professionnels ont remarqué cette semaine qu'il y a des ordres, des commandes pour transiger, en fait, là, qui ont été faites cette semaine, de plus de 100 000 put options, alors des options put qu'on appelle, là, ça se trouve à être finalement des actions qu'on mise à la baisse, là, qu'on pense que le titre va crasher soudainement. Alors évidemment que, bien souvent, on se pose des questions à savoir qui c'est. T'sais, je veux dire, quand le gars, dans ce cas-ci, j'en ai parlé la semaine passée, là, je veux dire, il y a un trader la semaine passée qui a mis une mise sur le fait qu'il était pour avoir un important crash financier à la fin du mois d'avril. Alors, lui a misé, je pense, c'est pas loin de 15 millions de dollars sur un crash financier à la fin avril. Je veux dire, à moins d'avoir des informations précises de l'inside, de l'intérieur, je veux dire, je vois pas qui miserait 15 millions juste pour le fun comme ça, en pensant que, ah, oh, tiens, peut-être l'économie va crasher au mois de mai ou au mois de septembre. Donc, vous comprenez un peu, là, le fait pourquoi que c'est assez curieux comme truc. Alors, on dit que ce niveau de trading, là, est 200 fois plus élevé que le fameux volume normal de 500 contrats maximum. Alors, c'est quand même assez incroyable. Donc, on continue avec d'autres nouvelles ici où on parle là, de cette fameuse guerre des monnaies qui fait son retour. Vous avez la Banque du Japon qui a doublé sa cible de l'inflation. La Chine qui imprime et injecte un record de 450 milliards de yuan dans les marchés financiers. La Fed qui a acheté plus de dettes cette année que le Trésor a émis de bons. Et puis, il y a même eu un appel la semaine passée d'imprimer plus de 30 trillions de dollars. Alors, vous voyez là qu'il y a effectivement beaucoup de mouvements financiers. On se prépare à quelque chose d'assez important. Vous avez tout un article qui parle ici de ces titres de nouvelles. Donc, écoutez, c'est des choses à aller voir et puis surtout à prendre conscience, là. Quand on imprime de l'argent comme ça, c'est assez important. Il faut en prendre note parce que, un, quand on imprime de l'argent comme ça, évidemment que, comme je vous disais, notre pouvoir d'achat, notre monnaie perd de la valeur. Donc, c'est une forme d'inflation cachée, une forme de taxation cachée. Donc, si vous gagnez tant de l'heure, vous avez épargné tant au cours des 30 dernières années ou peu importe, eh bien, évidemment que si on a doublé la masse monétaire comme on l'a fait aux États-Unis en quelques années, ben, ça veut dire que votre argent vaut la moitié de ce qu'elle valait. Donc, c'est quand même assez important. Ensuite, vous avez Jim Rogers aux États-Unis qui dit ne pas vendre votre or, ne pas vendre votre argent, métaux précieux, parce qu'évidemment qu'on s'attend à un crash et puis c'est le seul moyen de protéger la valeur de votre argent qui a été durement gagné. Un autre ici qui parle que justement le fait qu'on imprime tellement d'argent fait en sorte qu'il y a une demande continue pour les métaux précieux. Ensuite, on dit ici, c'est officiel, il a été annoncé qu'il y a une guerre des monnaies qui est de retour. Donc, on commence à se battre, littéralement, des guerres économiques. Ensuite, ici, un article de Brendan Smith, contributeur du Activist Post, écrit un article qui relate le fait que la Chine a surpassé, grosse nouvelle pareil, chers auditeurs, là, la Chine a surpassé les États-Unis comme premier pouvoir d'échange global. Alors, c'est assez important, là, Global Trading Power. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ont une plus grosse économie que les États-Unis. Ça veut simplement dire que ils font plus d'échanges, en fait, que les États-Unis maintenant. Donc, c'est quand même assez incroyable. C'est évidemment un shift, un changement très important de la Chine qui est passé d'un État qui exportait, qui était dépendant sur les exportations comme source de en fait de manufacture et puis de travail, tu sais, pour la main-d'œuvre ainsi de suite, pour se tourner et puis construire une base de consommateurs à l'intérieur même du pays. Et puis, ben écoutez, c'est assez important, là. Je veux dire, la Chine qui est en train de se positionner elle-même pour se découpler de sa dépendance des marchés financiers américains et puis du dollar américain. Alors, ben oui, c'est en train de se passer directement sous votre visage. Et puis, vous avez un article ici qui parle de ça. Et écoutez, je pense que ça va être une question majeure à considérer dans les prochains temps à venir. Alors, la Chine, qui est un des plus, qui en fait, ouais, un des plus importants possédants, si on veut, propriétaires des réserves étrangères, de forex sur la planète. Et puis, ben, on les voit faire placer leurs pièces sur l'échiquier. Et puis, on s'aperçoit que la Chine est en train de noyer le système avec le yuan. Ce qui veut dire seulement qu'une chose, c'est que la Chine ne recherche plus maintenant à maintenir sa relation d'échange commercial traditionnel avec les États-Unis. Et puis, en fait, ça voudrait probablement même dire que la Chine, non seulement est en train de devenir le plus grand producteur d'or dans le monde, mais est aussi, en fait, son plus important acheteur de métaux précieux, particulièrement d'or, surpassant récemment l'Inde. Okay, donc, on disait même que les estimés officiels placent les achats de la Chine en 2012 à plus de 800 tonnes d'or. 800 tonnes d'or! Okay? Ce qui est évidemment une augmentation incroyable, je veux dire, de leur réserve d'or. Donc, on se retrouve, après ça, on se retourne de bord, on regarde les États-Unis puis la Fed, qui peuvent même pas livrer l'or qui sont supposés détenir dans leur coffre, dont l'Allemagne a demandé le rapatriement. Vous savez, c'est quand même assez incroyable. La Chine a aussi récemment quadruplé ses importations de riz et triplé celles du maïs et puis du blé en seulement une année. Alors pourquoi, évidemment, il faut se demander, est-ce qu'ils sont en train de se préparer à quelque chose? Est-ce qu'ils savent quelque chose qu'on ne nous dit pas? Évidemment que toute la question est là. Alors, plusieurs articles à aller voir, quand même assez troublants, dans certains sens, là. Alors, on voit ici un autre article de Bloomberg. On apprend que les exportations et importations américaines, l'année passée, ont totalisé 3,82 trillions de dollars. Et puis, vous avez le département du commerce américain qui a déclaré qui a rapporté cette nouvelle la semaine passée, alors que l'administration de la Chine a rapporté le mois dernier que le pays avait eu des échanges commerciaux totaux en 2012 d'environ 3,87 trillions de dollars, alors que la Chine a un surplus annuel d'échanges de plus de 231 milliards, un surplus commercial, alors que les États-Unis ont un déficit d'échanges commerciaux internationaux de plus de 727 milliards de dollars. Alors, quand même, alors vous voyez là, quelle nation est très en santé, très forte financièrement par rapport à l'autre. George Soros qui a déclaré que la Chine va être la nouvelle réserve d'argent, hein, la nouvelle monnaie d'échange commercial mondiale. Alors, une vidéo très importante. La Chine qui est en train de prendre contrôle des différentes zones d'échanges commerciaux. George Soros encore qui craint qu'il pourrait avoir des rébellions, avertit que l'euro pourrait détruire l'Union européenne. Alors, quand même assez important ça aussi. Un majeur crash financier qui est en train de se dérouler en Europe. Et puis que personne ne semble vouloir s'occuper de ça. Et puis, évidemment, qu'on sait que lorsque l'économie, autant que ce soit américaine ou européenne, laquelle des deux va s'effondrer en premier, c'est certain que ça va entraîner l'autre avec, là, je veux dire. On est bien conscient de ça. Donc, quand même, vous voyez là, des nouvelles là, assez majeures, là, assez importantes là, à considérer. Vous avez eu d'autres mouvements financiers là, où on parle que l'or a augmenté en Europe de 1,8% après que Draghi a averti et puis Soros a déclaré que l'Union européenne pourrait s'effondrer comme l'Union soviétique. Alors, on parle de ça ouvertement dans les médias, là, quand même, là. Privatisation des avoirs grecs qui sont en retard. Alors, on dit qu'en échange de ces fameux plans de sauvetage, des plans de sauvetage de plusieurs milliards de dollars, dont en Grèce, on avait demandé la Grèce était requise de vendre ses avoirs possédés par l'État. Et puis on se plaint ici que la privatisation et son processus sont en retard sur l'horaire. Et écoutez, on dit qu'en plus de ça, vous avez plusieurs gouvernements européens qui sont nerveux par rapport au fait que la Chine, la Russie, puis des compagnies arabes sont en train de se mettre en ligne pour tirer avantage de cette vente de feu grec. Alors, faut pas oublier que la Grèce a été détruite, évidemment, par Goldman Sachs, puis la Banque centrale européenne. Et que, évidemment, vous avez encore une banque privée centrale là, qui imprime de l'argent, qui crée de l'argent comme une dette avec intérêt. Et puis qu'après ça, ben, on se retourne de bord. Et coup que le pays est ruiné, à force de fonctionner sur un système basé sur la dette, et ben, on arrive, puis on liquide tout. On liquide tout, on prend contrôle des possessions, des avoirs finalement du peuple grec, et puis on privatise ça, on met ça entre les mains des banquiers privés. Alors, c'est ce qui se produit à peu près dans tous nos pays, à travers nos nations, autant européennes que nord-américaines. Ensuite, on parle ici de la France qui pourrait s'effondrer à peu près de la même façon que l'Espagne, l'Italie, puis la Grèce, alors que on s'aperçoit que les signes financiers de la France ne sont vraiment pas encourageants. Alors, il y a un autre article ici là, qui parle de cette situation-là. La France, mon Dieu, préparez-vous, là, on est dans une situation très grave aussi, là. On parle des ventes de voitures en France qui ont baissé de 13% par rapport à 2011. On parle l'année 2012 à 2011 ici, là. On parle ici des données économiques de la France là, qui sont vraiment horrifiques, là. Des ventes de maisons existantes à l'extérieur de Paris ont tombé de 20%. Et puis après ça, on parle des nouvelles maisons mises en chantier ont descendu de 25%. Et c'est pas des petits chiffres, là. Donc, vous voyez quand même là que il y a un sérieux problème, là. Il y a un sérieux problème qui est en train de s'installer. Et puis, c'est la France et puis l'Allemagne qui étaient les deux pays clés qui, finalement, arrêtaient l'implosion de l'Union européenne jusqu'à date. Mais le fait maintenant que la France fait face à une implosion économique, évidemment, n'augure pas bien pour le futur de l'euro ou de la zone européenne. Alors, très important. Et puis on voit aussi d'autres données ici qui parlent de l'économie allemande qui est quand même frappée là, par cette crise de la zone européenne. On voit que c'est même les nations les plus solides qu'il était, en tout cas jusqu'à date, finalement se révèlent être dans une position de faiblesse assez inquiétante. Ensuite, encore la guerre des monnaies qui se poursuit. Au Venezuela, on a lancé la première bombe nucléaire, si on veut, dans cette guerre des monnaies. On a le Venezuela qui a dévalué sa monnaie d'à peu près 46% la semaine passée. Alors, le Venezuela qui dévalue son bolivar de 4,30 à 6,30 contre le dollar américain. Et puis, vous voyez que là, on commence à en voir évidemment là, des gens qui vont évidemment payer le prix de ça, parce que tout le temps la population finit par payer de ça. Les gens, évidemment, au Venezuela, ça veut dire qu'ils viennent de perdre 46% de leur pouvoir d'achat, là, du jour au lendemain. À moins que vous aviez, à moins que ces gens-là avaient des avoirs transférés dans les métaux précieux. Alors, ce qui veut dire que là, la valeur de ces métaux précieux-là a augmenté de 46%. Ben oui, voilà, on est en train de se diriger vers cette guerre des monnaies. Et puis, après ça, ben, vous avez eu l'Argentine qui a interdit, en fait, on a mis en place un gel des prix à la consommation. Alors, quand même assez particulier ici, là. Donc, ça ici, c'est ce qu'on appelle des mesures de dernière minute, là, de dernier recours, pour essayer de contrôler l'inflation avant que les prix commencent à augmenter de façon catastrophique et qui résulte évidemment une situation de crise politique et sociale importante. Donc, c'est évidemment une décision qui, historiquement, n'a jamais eu de fin heureuse. Et évidemment qu'à chaque fois qu'un pays essaye de retarder l'inévitable comme ça, ben simplement ce qui arrive, c'est qu'on empire le problème. Donc on essaie d'ignorer une tumeur qui est là, mais qui existe, t'sais. Donc c'est un peu ça la situation. On va commencer à vous rapporter des nouvelles de santé cette semaine. Alors, je vais essayer de faire un peu une petite revue de ça, là, mais j'en ai 43 pages, là, donc c'est évident que je n'aurai pas le temps de faire ça en 10 minutes. Mais bon, on va faire le tour de quelques affaires, au moins essayer de vous passer un peu d'informations là-dessus, toujours bien important et intéressant. La santé, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite, alors on va essayer de se pencher un peu sur cela. On reviendra avec le Moyen-Orient un peu plus en détail la semaine prochaine, bien des développements de ce côté-là. Il y a tout le temps aussi l'état tyrannique de policiers qui est en train de se mettre en place, là, dont j'ai envie de vous parler. Là, autant ici au Canada qu'ailleurs dans le monde. Quand même assez impressionnant de voir toutes les mesures répressives d'État policier, de surveillance et ainsi de suite qui sont mises en place. C'est très important de se pencher là-dessus. Donc, on va y revenir. Pour le moment, santé. Alors, j'ai une auditrice ici. Je voulais en parler quand même cette semaine. J'avais écrit et répondu à l'auditrice que j'étais pour attendre et m'informer un peu avant d'en parler en ondes sur l'émission. J'aime parler de choses dont je connais. Évidemment que parler au gré des vents, sans à travers son chapeau, comme on dit, là, sans connaître vraiment de quoi il en retourne, c'est pas ce qu'on pratique ici sur l'autre monde. Par contre, ben écoutez, j'ai eu le temps de faire le tour de ce petit documentaire français qu'elle me soumettait. Alors, étant donné que l'information y était très bien détaillée et très bien appuyée par des sources, je crois, vérifiables, alors je vous le partage sans vous donner plus d'informations, parce que c'est pas un dossier que j'ai creusé, que je connais à fond. En fait, c'est juste cette semaine que j'en ai pris même connaissance. Alors, c'est Lysandre qui m'a écrit et me demandait si j'avais déjà parlé du Roaccutane. Alors, ça se trouve être un produit, une crème qui combat l'acné, mais qui a des effets secondaires dangereux dont on s'est aperçu progressivement et puis qui sont relatés dans ce fameux documentaire français avec à l'appui là, plusieurs sources d'informations, plusieurs personnes là, qui interviennent dans ce documentaire-là qui finalement soulèvent des questions très très importantes. C'est effectivement une crème pour traiter l'acné, mais la crème, elle agit d'une certaine façon qu'elle se met à interférer avec le cerveau et ainsi de suite. Ça se trouve à être quasiment aussi pire que les antidépresseurs, les médicaments psychiatriques. Alors, évidemment que vous voyez, le documentaire s'appelle Mourir pour des boutons. Alors, est-ce qu'il est encore en vente? Ben, je crois qu'il l'est, en fait. Donc, je vous en touche un mot sur ça cette semaine. Un documentaire à propos du Roaccutane, un médicament contre l'acné qui entraînant des dépressions et des pensées suicidaires des gens qui se sont suicidés sur ça, là. Fait que Big Pharma a évidemment tout fait pour cacher. Alors, je vous laisse les liens vers ce documentaire qui est en 4 parties. Donc, allez voir ça par vous-même, puis tirez-en vos propres conclusions. Ça peut faire bouger des affaires ou en tout cas protéger certaines personnes avant qu'elles n'en prennent ou qu'elles en prennent déjà. Écoutez, après avoir vu le documentaire qui est en français, vous risquez d'être assez secoué et puis de remettre en question l'usage de cette crème. Donc voilà, le message est lancé. Bon, nouvelle très importante dans la santé, toujours, j'en parle depuis des années, mais ça continue de sortir. Ici, c'est un article par Mike Adams de Natural News, alors qu'il écrit que les docteurs tuent 2450% plus d'Américains que toutes les mortalités reliées aux fusils. Hein. Vous savez, on est en train de faire tout un gros cas aux États-Unis avec les armes à feu, et ainsi de suite. La réalité est que on essaye de désarmer le peuple américain sous encore de faux prétextes, de vouloir protéger la population, et ainsi de suite. Bon, c'est un sujet assez vaste, là. C'est sûr, si je lance ça de même, là, vous allez pouvoir vous objecter et dire, voyons, là, les armes à feu, c'est pas beau, non, non, non. Bon, je comprends, là, les armes à feu, c'est pas beau, là, mais encore là, une arme à feu, c'est comme un couteau, une voiture, ou un 2x4, ou n'importe quoi, là. Je veux dire, tout peut être une arme. Tout dépend de comment on l'utilise. Hein? Je veux dire, je peux prendre ma souris d'ordinateur puis vous la faire passer par le nez. Vous allez voir que ça sera pas très agréable. Est-ce qu'on va commencer à bannir toutes les souris d'ordinateur? Je penserais pas. Donc, vous comprenez un peu l'histoire, là. Je veux dire, les voitures tuent énormément de personnes là, chaque année. Est-ce qu'il va falloir bannir les voitures? Bon, vous comprenez un peu là, l'état de la logique là-dedans. Là. Donc, effectivement, que si vous allez comprendre un peu mieux ce dossier-là, quand on va le mettre en connexion avec le fameux dossier de l'état policier qui s'installe aux États-Unis. Donc, on s'aperçoit que les Américains sont en train de s'armer, d'acheter des armes et des munitions à un niveau record depuis des années. Les Américains n'ont plus confiance en leur gouvernement ni leur système économique et puis savent qu'ils se dirigent vers un effondrement et que leur gouvernement est en train de... Est en train de finalement de partir en couille, si on veut, là, je veux dire, vers une dérape tyrannique, là, de tyrannie totale d'État policier, là, je veux dire, c'est assez incroyable. Là. On a appris d'ailleurs cette semaine encore que le programme de drones américain depuis 2001 autorise le gouvernement américain de cibler des Américains aussi. Alors, gros scandale, tout le monde capote aux États-Unis, ils viennent de se réveiller, les pauvres. Ça fait des années qu'on en parle ici sur l'autre monde, qu'on en parle dans les médias alternatifs. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Les gens commencent à en prendre conscience. Donc, c'est évident que la fameuse stratégie, la tragédie de Sandy Hook, vous savez, cette tuerie qui s'est produite dans une école primaire, était évidemment une tragédie sans nom, là. Il n'y a pas d'erreur là-dessus, là. Sauf que, il y a beaucoup de personnes qui, subséquemment, ont exploité la mort de ces enfants pour pousser un agenda politique de désarmement des Américains en clamant que les fusils tuent les gens. Mais comme je vous disais, si on compare ça, vous avez les piscines qui tuent plus de personnes. Hein? Monter à cheval tue des personnes. Vous avez même des femmes lorsqu'elles accouchent. Des fois, ça tue des enfants. Là. Je veux dire, vous comprenez, est-ce qu'on va se mettre à criminaliser les femmes enceintes, là? Vous voyez un peu l'idée qui se cache derrière ça. C'est qu'à un moment donné, faut donner un sens un peu à ces statistiques. Vous comprenez? Il faut comparer ça à quelque chose d'autre. Parce que si on compare les armes, les mortalités causées par les armes à feu avec les autres causes de mortalité, on s'aperçoit que l'image devient vraiment différente de ce qu'on essaye de nous faire passer dans les grands médias comme à CNN et ainsi de suite. Alors, comme on vous disait, les docteurs aux États-Unis tuent 2450 fois pour cent plus d'Américains que toutes les mortalités causées par les armes à feu réunies ensemble. Donc, ça, c'est des choses importantes à savoir. C'est encore confirmé par la FDA, la Food and Drug Administration aux États-Unis, que d'ailleurs, les médicaments donnés en milieu hospitalier en suivant les posologies par des docteurs tuent plus de 100 000 Américains par année, alors que les drogues dures comme l'héroïne et la cocaïne en tuent entre 11 000 et 20 000. Donc, ça veut dire que les médicaments légaux tuent littéralement entre 5 et 10 fois plus d'Américains que les drogues illégales. Okay, à un moment donné, il faut faire face à la réalité, là. Confirmez, le plus de mammographies que vous recevez, plus vous allez être endommagé par ceux-ci, plus de dommages qu'ils vont vous causer. Ça, c'est encore les mammographies qui sont dans les nouvelles encore, et puis qui, évidemment, ne regardent vraiment pas bien pour ceux qui continuent d'en faire la promotion, et puis ceux qui continuent de les utiliser pour essayer de détecter des cancers tôt. On s'aperçoit que de plus en plus, ces manières, écoutez, on veut pas une mammographie, c'est une radiation de votre sein. Là. Je veux dire, on a des études qui disent que pour chaque cancer qu'ils trouvent, on en crée cinq. OK? Donc, c'est quand même assez incroyable, là. Là, vous avez le premier, en fait, le mois de novembre dernier, vous avez le New England Journal of Medicine, donc le journal de la médecine de la Nouvelle-Angleterre, qui a publié une analyse choc qui s'étendait, en fait, sur les 30 dernières années de si on veut, de mammographie en fait, des seins des femmes aux États-Unis, en trouvant que 1,3 million des femmes ont été diagnostiquées et surtraitées pour du cancer du sein. Alors, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a fait de l'ablation des seins dans bien des cas pour rien. Et on s'est aperçu dans plusieurs études que les cancers du sein, autant que les cancers des testicules chez les hommes, vont et viennent comme ça. Dans 70% des cas, ils apparaissent et disparaissent par eux-mêmes. Alors, on surtraite et puis on surdiagnostise les gens. Et puis là, ce qui arrive, c'est que on rend des diagnostics qui sont beaucoup trop poussés, si on veut, épeurants, finalement, que la réalité. Donc, c'est une nouvelle étude qui a été publiée cette fois-ci dans le journal Journal of National Cancer Institute, qui trouve que les femmes qui suivent finalement les lignes guides de la Société du cancer américaine pour des détections tôt du cancer. On parle ici évidemment de tests là, qu'on fait annuellement pour les femmes de 40 ans et plus, ne reçoivent non seulement en fait, des traitements ou des traitements agressifs pour le cancer pour le cancer du sein, qui sont beaucoup trop sévères, beaucoup trop agressifs, mais qui sont aussi, qui font l'expérience, en fait, de dommages encore plus grands, dû au fait qu'on a ce qu'on appelle des résultats, des faux positifs, et puis des biopsies non nécessaires. Alors, c'est quand même assez incroyable. Donc, je vous épargne tous les détails là, des statistiques, ainsi de suite, là. Mais quand on parle ici là, que parmi les femmes âgées de 75 à 89 ans qui avaient des problèmes de santé préexistants et qu'on leur fait passer ces tests et qu'on se retrouve que même ici, j'ai d'autres données qui donnent que les femmes âgées entre 66 ans et 74 ans qui ont déjà des problèmes de santé, 48% de ces femmes qui ont eu des mammographies annuelles ont eu au moins un résultat, un faux positif, une lecture faussement positive durant les 10 dernières années. OK? Donc, c'est quand même énorme. Les chiffres sont pareils, là, comme je disais, pour les deux tranches d'âge, entre 66, 74 et 75 à 89. Pas loin de 50% de ces personnes qui ont été testées à chaque année ont présenté à un moment donné, durant les dernières années, un résultat qui était un faux positif. Alors, comparé à seulement 27% pour celles qui ont eu des tests moins fréquents. Donc, c'est quand même assez important parce que je veux dire, si on calcule ça veut dire que ça résulte à environ 3,86 millions de faux positifs qui ont été répertoriés et puis plus de 1,15 millions de recommandations pour des biopsies qui ont été recommandées pour rien, là. Donc, très important. L'industrie de la viande consomme plus de 4 cinquièmes de tous les antibiotiques qui sont produits. Écoutez, ça, c'est un chiffre assez incroyable, là. L'industrie de la viande qui utilise énormément d'antibiotiques pour la production de la viande, ça, c'est des chiffres qui viennent de la FDA elle-même. Puis là, vous avez la Pew Charitable Trust qui a calculé et tout mis ensemble ces chiffres sur l'utilisation des antibiotiques dans les stocks d'animaux, ainsi de suite, et ils les ont comparés avec les données qu'on a disponibles sur l'utilisation des antibiotiques chez les humains pour traiter des maladies. Et puis, on a mis ça dans un graphique et qu'on vous présente dans cet article. Et puis, on s'aperçoit que, écoutez, les animaux, vous savez, les êtres humains, on consomme plus de 8 milliards de livres on a dit à peu près 3 milliards de kilos d'antibiotiques à chaque année, alors que les animaux de la ferme en ont absorbé plus de 29,9 milliards de livres. Alors évidemment, c'est des unités de mesure aux États-Unis, là, donc divisé ça par 2,2, là, on arrive peut-être à quoi? 13-14 milliards de kilos d'antibiotiques qui ont été donnés aux animaux en 2011. Bref, ce que ça veut dire, c'est que l'industrie de la viande, si vous voulez, consomme proche des 4/5 de toutes les antibiotiques qui sont utilisés aux États-Unis. Et puis ça va en augmentant, c'est pas terminé. Donc, quel effet que ça a? Ben, si vous êtes moindrement un peu bien informé, vous allez vous apercevoir que c'est évidemment ça crée des hyper-résistances chez les virus. Vous savez, la salmonelle dans la dinde hachée, dans laquelle on trouve 78% dans le cas des cas, là, que cette fameuse salmonelle résistait à au moins un antibiotique, et puis la moitié des bactéries qui étaient résistantes à plus de 3, 3 et plus. Alors, c'est quand même assez incroyable, là. La salmonelle qui se retrouve dans la viande de la dinde, 78% étaient résistantes à plus d'un antibiotique, puis plus de la moitié des bactéries étaient résistantes à plus de 3. Alors, c'est quand même assez incroyable. Ensuite, ici, plus du trois quarts de les salmonelles trouvées dans les poitrines de poulet étaient résistantes à au moins un antibiotique. Et puis, à peu près 12% de tous les poitrines de poulet qui ont été vendues aux États-Unis, ainsi que la dinde hachée, étaient contaminées avec la salmonelle. C'est vraiment très appétissant. Résistance à la tétracycline, un antibiotique, est en augmentation. Et puis, on parle aussi de Campylobacter qui se retrouve dans le poulet. Et puis, on dit que 95% de tous les produits de poulet étaient contaminés avec ce Campylobacter. Et puis, près de la moitié de ces bactéries étaient résistantes aux tétracyclines, alors à cet antibiotique, ce qui se reflète en une hausse depuis 2002. Okay? Donc, vous comprenez qu'après ça, c'est nous qui mangeons ceci. Si nous tombons malades, nous arrivons à l'hôpital et puis il n'y a aucun antibiotique qui fait sur nous parce que les bactéries sont devenues super résistantes. Donc, quand même assez incroyable. Puis vous avez la FDA encore aux États-Unis qui finalement a admis que le poulet contenait de l'arsenic. Et puis de l'arsenic, on sait que c'est cancérigène. Alors évidemment que ça a pris des années avant que la FDA finalement admette ce fait. Mais écoutez, on apprend que finalement aux États-Unis, le poulet effectivement contient de l'arsenic. On sait que c'est évidemment très toxique. C'est un produit chimique qui est fatal à haute dose. Et puis, l'autre particularité de cette nouvelle qui est assez frappante, c'est que ce fameux arsenic, d'où vient-il? Comment ça se fait qu'il se retrouve dans la chair de la viande de poulet? Eh bien, c'est qu'il est ajouté, écoutez bien, il est ajouté aux grains avec lesquels on alimente ces fameux poulets alors qu'ils grandissent. Alors ça, c'est incroyable. Okay? Les mêmes recherches de la FDA elle-même montrent que l'arsenic est ajouté à la moulée des poulets et évidemment, ça se termine dans la viande qui est consommée par les humains. Donc, ça veut dire que pour les 60 dernières années, les Américains, les consommateurs américains, qui ont mangé du poulet conventionnel, ont avalé de l'arsenic, ce qui est un produit chimique connu pour être cancérigène. Donc, vous voyez comment que réellement, là, on s'occupe de votre santé. Hein? Vous avez des régulateurs qui ont découvert qu'on a des gènes virales qui sont cachés dans les cultures d'OGM commerciaux. Alors, ça aussi, là, c'est une autre histoire assez incroyable. Alors, dans une analyse qui est en cours pour identifier différents allergènes potentiels dans les cultures OGM, vous avez l'Autorité pour la sécurité de la nourriture européenne qui a découvert que on retrouve des séquences d'ADN, et ainsi de suite, qui sont encodées, qui encodent, si vous voulez, des gènes virales, comme PAD20 et du jardin qu'on appelle en 2012, et que ces trouvailles ont des sérieuses ramifications pour évidemment les cultures de la biotechnologie puis sa régulation. Parce qu'évidemment qu'on se retrouve avec des gènes qui ne sont pas sécuritaires pour la consommation humaine et qui pourraient même troubler, si vous voulez, le fonctionnement normal des cultures, incluant jouant avec leur résistance naturelle contre les différentes vermines, ainsi de suite. Donc, l'autorité européenne invalide l'étude de Séralini sur les OGM. Ça, c'est d'autres nouvelles là, qui nous étaient sorties les derniers temps. Monsanto qui n'a pas réussi à expliquer pourquoi le maïs modifié génétiquement causait des tumeurs chez les souris sur lesquelles on les testait. Donc, toutes sortes de trucs comme ça, là, important à les voir. D'ailleurs, on parle aussi des cultures aux États-Unis qui pourraient être mises en danger à cause de ces sécheresses qui persistent. Et puis, ben on se demande dans un certain sens aussi s'il n'y a pas aussi. On n'essaie pas de tout mettre ça sur le dos de la température, puis qu'en fait, qu'il y ait aussi des conséquences dues au fait qu'on utilise de façon constante aux États-Unis les produits, les semences modifiées génétiquement. Écoute, on s'aperçoit là qu'aux États-Unis, 85% du maïs est génétiquement modifié, 91% du soya est modifié génétiquement, 88% du coton l'est aussi. Il est estimé que 70% de toute la nourriture est transformée, là, si tu veux, là, qui se retrouve dans les épiceries aux États-Unis, a été ou contient des produits génétiquement modifiés. Donc, ça se retrouve partout, effectivement. Et puis, on se demande justement si le fait d'ingérer ces fameuses ces fameuses OGM peut créer des maladies comme les Morgellons qu'on a aux États-Unis, qui est un programme qui était en fait une maladie très grave là, de la peau, où on retrouve des infestations de ce qu'on appelle des agrobactériums tuméfaciens. Alors, c'est une bactérie qui est utilisée normalement pour en fait comme une plante intercellulaire pour transporter les gènes modifiés, une technique utilisée pour la manipulation génétique. Alors, toutes sortes d'affaires comme ça. On pense même aller jusqu'à modifier le cannabis, imaginez-vous donc. Donc, nouvelle très importante ici qui est sortie aussi. On est en train même d'essayer de breveter ça. Donc, vous voyez, ça n'arrête pas réellement. Là, on essaye de mettre la main sur tout. Là, on veut breveter le chanvre. Alors, on va modifier deux, trois affaires là-dedans. Puis après ça, ben écoutez, on va se mettre à breveter ça. Et puis après ça, ben, qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Ben, on va tout scraper finalement le règne végétal. Hein? C'est pas bien compliqué, là. Donc, voilà. D'ailleurs, parlant de marijuana, de cannabis, on va terminer l'émission avec cela. Très important aux États-Unis. Il y a beaucoup de mouvements de ce côté-là. Des membres du Congrès qui introduisent un projet de loi pour réguler puis taxer le cannabis, un peu comme on le fait avec l'alcool. Ensuite, le cannabis qui a été. En fait, on a un projet de loi pour légaliser le cannabis en Nouvelle-Angleterre. Et puis ça continue comme ça. Donc, vous voyez, on a de plus en plus là, de gens ici qui, aux États-Unis, puis à travers le monde, commencent à pousser pour la décriminalisation de cette plante qui est médicinale et qu'on sait qu'elle est médicinale depuis des temps ancestraux. Alors, voilà. Donc, écoutez, c'est ce qui met fin à l'émission de cette semaine, là. On a en masse d'informations encore couvrir la semaine prochaine. Donc, évidemment, on va être de retour comme d'habitude. Et on va continuer de vous rapporter quelques nouvelles dans le domaine de la santé, très importantes. Et puis, on va faire aussi un tour de ce qui se passe au Moyen-Orient, là. Il y a beaucoup de développements très importants à suivre là-bas. Et puis, d'état policier, si, évidemment, on a le temps comme d'habitude. Donc, sur ça, moi, je vous laisse, chers auditeurs. Je vous salue bien bas. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. All right? OK, bye-bye. you.